Bumbum tempo. C'est un peu pour ça. Bah oui, mais t'as changé le tempo, non? C'est un disque, doucement. Thank you. We'll be right back.